un beau jour, son cul a rencontré mon cul. Et après quelques courbettes tendues, je lui ai dit « Ah, toi que je connais bien, tu n'es pas qu'un cul, même si j'apprécie énormément le tien. Je crois que tu n'aimes plus trop que j'aime ton cul. Je suis toujours fidèle, mais vois-tu, je me sens terriblement mal fichu, car il m'excite ton cul, je n'en peux plus, qu'en penses-tu ?» Son cul n'en revenait pas d'entendre ça. Anesthésié et muet peut-être depuis des jours et des jours, voire des mois sans émoi. Encore que, la connaissant, vivre des mois sans émoi, elle ne sait pas que, pour avoir vécu longtemps avec mon cul, je n'ai pas l'habitude de courir après mille culs. Elle n'a pas répondu à mon cul, qui naît déjà comme un perdu. Je me rappelle tout au début. Aussitôt, un atome crochu est accouru. Bienvenue. Très mignon, son joli cul, brillant comme un Jésus, m'a attiré comme un aimant. Le mien encore pas trop mal foutu. Et hop, dans le grave comme dans l'aigu, le vieil amant ne lui a pas déplu. Plein de poèmes et chansons éperdus se sont conçus sur son cul. Penser que sa paire de fesses pouvait encore faire office de maîtresse mettait un peu de liesse dans ma détresse. Nous nous étions retrouvés sur ce terrain de jeu de rôle toujours repu. Nos culs mis à nu se sont secourus, sans aucun malentendu. Des années comme ça, à courir vers lui par-ci par-là selon les saisons, à peine celle des cynorhodons. Gros de cul, c'est pareil. Quant aux étés, bien sûr, toujours détendus. Et puis, une fois, mon cul a prétendu que chez lui, l'autre cul était plus détendu. Mais que de son cul, il en était toujours mordu. Convaincu, il rajoute encore, comme si je ne l'avais pas assez entendu. Ah, ton cul devrait rencontrer à nouveau mon cul, il le mérite tellement. Il n'est ni gru, ni moru, et encore moins sensu. Il est tout beau, rond, intelligent, et tient bien dans mes deux mains. Je me rappelle son cul. Cette fois-là, c'est légèrement tordu pour tenter de sourire à pleine oreille à ce compliment ou à ce compliment un peu farfelu. Cousu et recousu, ce même aveu à chacun de nos adieux. Chercher l'intrus, l'ingénu, j'en sus. Son cul ému a continué de se tordre jusque dans la rue où elle serait descendue, elle se serait aperçue finalement qu'elle pouvait semer le tohu-bohu. Seulement, son cul ne peut pas être pendu à plusieurs culs, ça pourrait même la rendre bossue. Quoi ? Ben non, je ne suis pas un malotru. Et là, voici que je rêve que mon cul est suspendu à son cul. Quel cauchemar. Je crois que mon cul va mal. Qu'il risque de se faire manger tout cru si je m'évertue. Ah, drôle de pensée ardue et saugrenue que mon cul remue devant le sien soudain apparu. Bien fichu. Mais je ne sais que trop qu'il n'y a pas que devant son cul que le mien remue. Il suffirait qu'elle pose les yeux sur lui pour qu'il s'en trouve tout ému. Et que dire alors, quand elle y poserait sa langue pour le dévorer tout cru. Mais, comme disait l'autre trou du cul, le temps n'a qu'un temps. Lorsque le temps est passé, elle a oublié mon cul. Très cher cul, tout devient superflu. Cul rare.